Máximas previstas para hoje, 27 graus para Santarém, Setúbal e Évora, 26 para Lisboa, Beja e também para o Funchal, 25 graus na previsão para Coimbra, Castelo Branco, Faro e Ponta Delgada, 24 para Braga, Leiria e Porto Alegre, Vila Real e Porto, 23 graus de máxima hoje, previsão de 22 graus para Bragança, Viana do Castelo, Viseu e Aveiro, 18 graus para a Guarda e 15 para as Penhas Douradas. Votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète et la famille. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un agréable week-end. Ah, ça y est, le temps est revenu, le mauvais temps est revenu, surtout de la pluie aujourd'hui, des nuages. Ben, surtout en fin d'après-midi, la pluie va arriver, les températures levées du jour. On a carrément perdu 10 degrés, et ça caille ce matin, 5-6 degrés au lever du jour. On ne dépassera pas les 15-16 degrés, malheureusement le ciel est nuage encombré, et avec de la pluie comme je vous le disais dans l'après-midi, du soleil pour bien vous réveiller, et de Holmar. Belle journée, et bon réveil sous le soleil dans Radio Arc-en-Ciel, 0238 43 48 00, c'est le numéro du standard. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des langues. Si vous parlez une langue étrangère, eh bien, vous m'appelez. Il y a le Portugal, pourquoi pas. 0238 43 48 00. C'est le numéro du standard. Belle journée. Bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux,

7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Des cendriers tous renversés, des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir à demander, tu veux bien aller. C'est le meilleur des années 80 avec Louis Bertignac et les visiteurs. C'est Zidella, ex-membre du groupe Téléphone, et on l'adore sur la radio. Avec du son tout en douceur pour vous réveiller ce matin, 7h17. Salut à Stéphane qui est connecté. Take et le temps. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent. Le vent a bien tourné, ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Pour la dû disparaître sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant tu reviens et comme avant tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant, maintenant c'est toi qui veux parler, et toutes tes meilleures phrases tu veux les caler. Ne gaspille pas autant d'idées. Oh, le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas autant, une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, quoi, t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût, le goût de ton poison. Et maintenant, ça va avec toi. J'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non. Et maintenant, toi, tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Le vent a bien tourné. Je ne tiens pas longtemps. L'autre a su me soigner. Peut-être la bourre, direction le boulot ce matin. Bah ça y est, c'est parti. Comme José qui est dans le camion depuis 6h du mat. Avec le temps, Tech sur la console passe une agréable journée. Lundi matin sous la pluie, malheureusement, les nuages seront là aussi. Et la flotte, mais Lucenzo est là pour donner le smile, le sourire. Mi olor. lo vi ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha, siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como ven? Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el oro que se quede con los diamantes y el oro que yo soy el globo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. Embaraza, que una locura. Morena, traía a mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero ver ese futuro. Embaraza, que una locura. A meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Il y a toute la famille là, Lucenzo, Don Omar, Daddy Yankee, Econ, courage à vous pour le taf aujourd'hui. Coucou à Noémie qui est connectée du côté de La Chapelle Saint-Mémin, belle journée, bah ouais courage, c'est pas facile le lundi de reprendre le boulot, mais on est là pour vous donner le petit rayon de soleil qui va bien, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Et puis le meilleur des souvenirs qu'il y a avec Billy Paul. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. People like you. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world. Minutes, le meilleur de la musique avec Billy Paul, Your Song. Et puis ça y est, ça démarre aujourd'hui la 17e édition du 26 septembre au 2 octobre. C'est l'Open de tennis d'Orléans qui sera d'ailleurs la dernière dans l'enceinte du centre-ville qui sera après normalement comme 9h, réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio et puis on l'adore. Voici Marquito Lucenzo en Lusitano. São 7 horas, estou atrasado para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca é sacada. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, que eu acaba, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Tano, Marquito, puis je regarde un peu les infos qui traînent. Il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre de 160 000 mètres carrés. Bon, c'est pas grand-chose. En tout cas, il va être dévié apparemment. Apparemment par un petit satellite qui va le dévier de France. Ne vous inquiétez pas, il va pas s'écraser cette nuit. Vas-y, Gims, et la même. Les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange.

ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder Dieu de la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de nous. Ce matin, salut Stéphane, c'est pour toi mon ami. Bah ouais, un bon souvenir de ce week-end. Alors, on est avec vous, Francky dans la radio, Fabienne qui est là, salut Fabienne, belle journée, bon courage pour le taf. Bah oui, ce matin, ouais, pas facile hein, le réveil. En plus, il fait pas beau. Bah non, de la pluie, bah, et ça va durer, je peux vous le dire. En tout cas, les températures sont plutôt pas terribles. 6 degrés au lever du jour, on ne dépassera pas les 15, voire 16 degrés. La bonne humeur est là, avec Kinvey et le métier sérieux. C'est mon anniversaire et je souffle ma troisième bougie. Je ne pense que ma mère va encore m'inventer ce souci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit. Je t'en que tout aux yeux qui vit maintenant ta vie. 06, c'est quoi un métier sérieux? Bon, on sait pas encore. Peut-être vous, vous faites un métier sérieux. Sûr. Appelez-moi 02 38 43 48 00. Ce numéro du standard, en plus, c'est la journée mondiale de la langue. Ah, la langue. Quelle langue vous parlez? Ben, 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. C'est tout sur Aléa Française. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Desde la ropa si tal se acaba el party. Yo te dejo. Appelle le 02 38 43 48 00. Be so. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h-9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Chemin. Tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama à Bécao. Allez kata kameno kao. Doucement doucement juste au cao. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama à Bécao. Allez kata kameno kao. Doucement doucement juste au cao. Ce soir je ne serai pas ton pao. Hey, tu aimes te déhancher. Ouais tu aimes danser. Ça se voit. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Bébé à Kachou, chichi, chouchou, enfin, c'est sur la plage l'été. L'artiste qu'on adore sur la presse 7h56. Elle sera notre invitée au téléphone des Foulées Roses, on en parle, c'est ce dimanche 2 octobre, la classique qui revient. Course et marche pour lutter contre le cancer, et bien on en parle tout à l'heure avec Marie en direct depuis Olivet. Ça sera vers 8h, il cartonne. Don't worry, le remix de la radio par Farouko. Say cheese.

on reprend les mêmes et puis on recommence, c'est reparti. Ah, ouais, c'est reparti. Alors les foulées roses, on rappelle, c'est pour lutter contre le cancer. Voilà, le but de la course, effectivement, c'est de lever des fonds et puis des fonds qui sont versés à la Ligue, qui ont fait bon usage pour lutter contre le cancer. Alors, comment s'organisent justement les foulées roses? Il y a des courses, des marches, il y a plusieurs choses. Oui, alors les foulées roses, ça s'organise déjà en amont avec tout un travail de parcours et puis d'organisation pour aboutir à deux marches qui auront lieu donc le 2 octobre, deux marches ou deux courses qui auront lieu donc à Olivet au départ devant la clinique de l'Archette. Alors, je suis sur le site, toutes les places sont parties, bravo. Ouais, on est très. C'est-à-dire que le jour même, on pourra pas s'inscrire. Ah non, c'est terminé, ça y est, il y a un quota maximum qui a été atteint ce week-end. Donc ça y est, les 7500 places disponibles, parce qu'on a quand même voilà un nombre de places maximum. Donc voilà, le nombre a été atteint, donc on est très content parce que le nombre maximum atteint, eh bien c'est parfait, ça fait toujours des dons pour la Ligue. Donc c'est formidable, c'est vraiment le but de cette manifestation. Bah, c'est bien de ramener des fonds pour essayer de trouver des solutions malheureusement contre ce fléau du cancer. Alors deux distances de course et de marche, un tarif unique, oui. C'était 10 euros. Ouais. 10 euros, ouais, 10 euros. Et voilà, qui sont versés à la Ligue, voilà, après des petits calculs qui sont faits, et donc voilà, tous les fonds sont versés ultérieurement à la Ligue contre le cancer. Alors on peut plus s'inscrire, mais on peut venir encourager quand même. Absolument, on peut venir encourager, et puis on se met sur les bords, on se met au départ, on se met à l'arrivée, on peut venir participer aussi tout simplement en étant, voilà, sans même encourager, mais en étant présent à l'arrivée, en étant présent au départ, voilà, participer, être là pour l'ambiance, être là pour faire la fête, être là pour donner de la joie aussi, effectivement, à nos coureurs, et puis être là aussi pour aider nos bénévoles. Eh ben, en tout cas, tu m'as volé le mot de la bouche. Je voulais parler des bénévoles parce que sans eux, on serait pas grand chose, hein, c'est et vrai. Eh ben, voilà. J'allais y venir. Effectivement, sans les bénévoles, on n'est rien parce qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement de la course. Donc, c'est vrai que moi, j'aime leur faire un petit clin d'œil à chaque fois parce que c'est vrai que, sans les bénévoles, la course, il n'y en aurait pas. Enfin, la manifestation, globalement, il n'y en aurait pas. Ils sont vraiment indispensables. Donc c'est chouette de pouvoir compter sur eux. Et voilà, on a envie de prendre soin d'eux et de les remercier, de leur faire des clins d'œil à chaque fois. Parce que, les foulées roses, c'est pas qu'une course, c'est pas qu'une marche. C'est tout un travail d'équipe entre la ville, entre la Ligue, entre les bénévoles. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être tous ensemble. C'est vraiment le fondement des foulées, en fait. C'est vraiment tous ensemble, on y sera. Travail, tous ensemble pour les foulées. Voilà, on y sera. Moi sûrement, allez vous supporter, allez encourager tous ces gens qui vont marcher, qui vont courir contre le cancer. Marie, je te remercie beaucoup d'avoir accordé ces quelques minutes pour Radio Arc-en-Ciel. Ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Eh bien, merci de nous avoir appelés. Merci de nous mettre encore un petit peu en lumière. C'est super. Alors, il y a Joël qui dit quel est le montant reversé final l'année dernière en 2021. 56 000 euros, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a écrit sur mon tableau. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, voilà, comme ça, on a pu répondre à la question de Joël qui nous a posé la question. Quel est le montant reversé? Bah, voilà. C'est ça. 56 000 euros ont été reversés l'année dernière. Eh bien, bravo. En tout cas, à tous ces gens qui ont organisé les foulées roses, bravo que ça continue. Et puis, vraiment, qu'on trouve des solutions. Si un jour, on pouvait trouver, ça serait bien, des solutions pour cette maladie. Hein. Voilà, des solutions et puis de l'accompagnement aussi qui est porté par la Ligue. Ouais. Ça compte. C'est très important aussi. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage et cette interview. Et rendez-vous ce dimanche. Hein. Et oui, rendez-vous dimanche avec le sourire et un t-shirt rose. Et voilà. Ou n'importe quoi de rose, ou juste du rose, déjà, ça passe. Ce sera super. Du rose, mettez du rose, tout le monde en rose dimanche. Merci Marie, voilà. Belle journée à toi. Belle journée, au revoir. Au revoir. Courage à vous pour le taf, sympa, la petite Marie au téléphone et ne ratez pas les Folies Roses, c'est ce dimanche. 56 000 euros hein, il y a en 2021, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez courir tous en rose dimanche à Olivier, voici Elton John. Ça donne encore envie de danser ça. Week-end, on a fait la fête et ben encore là, Elton John. On adore. 8h12, belle journée, courage à vous si vous allez au taf ce matin, sous la grisaille et sous la flotte. Malheureusement, il va pleuvoir cet après-midi. Et ouais, mais on est là, avec le rayon, dont le soleil. Et là, il brille ce matin pour Radio Arc-en-Ciel. Et le meilleur de la musique pour bien vous sortir du lit, vous emmener à la porte du bureau, à la porte de l'usine, au camion, à la boulangerie ce matin, peut-être au petit-déj. Avec cette voix en or, il nous a quitté il y a 10 ans déjà. Barry White, let the music play. Keep Appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. This is my church. Is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. C'est Francky dans la radio. God is a DJ. C'est le son de David Guetta, Faceless. Forcément, ça me rappelle des bons souvenirs. Le meilleur de la musique pour Estelle qui est connectée du côté de Saint-Privé. Salut Estelle, belle journée Francky, merci à toi aussi. La vie est comme ça, c'est du chocolat. Ça fait du bien. Bah, pour la forme, c'est bien le chocolat. Pour la ligne, moins. L'artiste bébé. Bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Freestyle, t'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Sexy raffine.

un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Avec Bruno Mars sur l'arc-en-ciel, 8h29. Il était sympa notre invité tout à l'heure, Marie, qui nous a parlé justement des foulées roses, lutter contre le cancer, ça sera ce dimanche. La grande course à Olivet, à ne pas rater, voilà, allez les encourager, il n'y a plus de place, c'est complet, mais vous pouvez toujours les encourager, puis faire des dons aussi, hein, c'est super important pour lutter contre ce fléau, le cancer. Belle journée sur la radio couleur, 96 FM, la météo pour aujourd'hui. La météo. Eh bien, le ciel, comme vous le voyez, vous venez de vous lever, eh bien, est nuageux. Le soleil, c'est très rare aujourd'hui. Les pluies sont attendues tout au long de la journée, malheureusement. Et les températures au lever du jour, 8 petits degrés, on ne dépassera pas les 15 à 16 degrés. Bah ouais, il pleut, bergère, c'est ce qu'on dit. 8h29, pour vous emmener au bureau ce matin, à la porte du boulot, on vous réveille en douceur, avec la grenade, le petit remix de la radio. 7h32, Clara Luciani et la Grenade. Bon réveil, il y en a qui viennent se lever. Bah oui, c'est lundi. Hein. C'est du soleil toute la journée. Bah oui, du soleil toute la journée. Cécilia qui est là dans la voiture aussi, qui nous écoute. Belle journée à toi, Cécilia, avec du soleil. Bien, voilà. Ven bailalo. Me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mami. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mami. Es que me vuelves loco. Latina, Latin Connection, Ven Bailalo, c'est la journée mondiale de la langue. Hein, pas la langue dans la bouche, les langues, je sais pas, vous parlez peut-être portugais, peut-être espagnol, peut-être allemand, peut-être anglais ou peut-être du Brésil. Eh bien, appelez-moi, tiens, si vous parlez brésilien. 0238 43 48 00, voici Kevin. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz.

7h47 avec Laura Pazzini, La Solitudine. Ça, c'est du bon son italien pour vous mettre de bonne humeur pour bien démarrer cette semaine sous la grisaille, malheureusement, jusqu'à 16 degrés, c'est les températures. Et puis aujourd'hui démarre aussi l'Open de tennis à Orléans. Ça sera jusqu'à dimanche. Ça sera le dernier en centre-ville d'Orléans. L'Open avec des grands joueurs encore cette année. N'hésitez pas à vous rendre au Palais des Sports pour aller voir. Cette 16e édition, ça sera la dernière en centre-ville. Après, ça va être boosté plus loin. À mon avis, ça c'est ta comète, Jean-Pierre, qui est là dans quelques minutes. Et le son de Chino Arracho. Belle journée. Chino and Nacho, 8h50 minutes. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite un très très bon boulot pour ceux qui reprennent aujourd'hui. Eh, je sais que le lundi, c'est pas facile avec le job, hein. Mais bon, en plus il pleut aujourd'hui. Eh, pas de bol, hein, vous avez la totale. Allez, il arrive Jean-Pierre, hein, tout de suite. Ça va, mon Jean-Pierre? Ah, excuse-moi, non, mais je voulais envoyer un jingle et je me suis trompé. Excuse-moi. Envoie le jingle, envoie le jingle. J'envoie, tiens, c'est ça. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. En fait, j'avais changé de page, j'ai tombé dans les pubs. Et voilà, ça arrive, c'est la vie, c'est le direct, c'est ça qui est bon le matin. Comment il va, Jean-Pierre? Ça va et toi, mon Francky? Bah, ça va, j'ai trouvé le jingle, donc tout va bien, tout marche, on est bien dans les studios de la radio, 8h51 minutes. Ça a été ton petit week-end? Eh bah, écoute, ça a été. Ouais, ça a été. Chargé en émotions? Non. Ouais, en fatigue, mais bon, c'est. Ah, en fatigue. Après, c'est les aléas, on est comme ça, c'est ça. L'émission qui arrive dans moins de 6 minutes. Oui. Hein, à 52, 8h52 pour moi. Ah, je sais pas, j'ai 51 moi, mais bon, après il y a un décalage entre les deux studios. Ah, bah, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on est loin, on est une minute devant nous, donc il y a une minute de décalage horaire. C'est ça. Bon, alors, vers matin, ça démarre. Disque à la demande aujourd'hui, il y a des annonces? Alors, il y a des offres d'emploi. Ah, il y a des. Plaquistes, si, il y a des plaquistes, des gens qui cherchent. Enfin, voilà, poser le placo. Ah, hop. Le placo, ah ouais. Le placo. Je crois que c'était bon mettre des plaques. Non, plaquiste. Ah, plaquiste. Donc s'il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, notamment dans le placo. Dans le placo, ouais. Eh bien, il y a une offre d'emploi, c'est un CDI qui est proposé. Ah, c'est un CDI, ouais. Et Les pépettes, c'est combien? Je sais pas. Ah, bon, on peut appeler un numéro. Ouais, on aura un numéro. Vous appelez José. Je sais pas, je dis José au hasard. Hein, t'appelles José. Non, plaquiste, il y a d'autres boulots aussi? Non. Que des plaquistes. Oui. Bon, bah, voilà. Pour le moment. Pour le moment. Donc, si vous voulez être plaquiste, eh ben, voilà, appelez-nous. Tiens, 02 38 43 48 00. On vous donnera les coordonnées de la bonne personne. Ouais. Alors, en arrivant dans les studios, je t'ai entendu parler parce que tu passais cette très belle chanson de Laura Pozzini. Laura Pozzini. Ah, j'adore, ouais. Et j'adore ton accent. Il est identique à ton accent portugais. J'adore. Ouais, c'est ça. C'est que tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la langue. Ah. Donc, je parle toutes les langues. Bien. Je roule les R, j'appuie les I. Et que je suis bandé, hein, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Laura Pozzini. Non, mais c'est vrai que t'as un très bel accent italien. Bah ouais. En plus, j'ai vu en Italie, là, c'est le bordel. Probablement l'extrême droite qui commence à prendre le pouvoir. Vas-y, son. Là, j'écoutais. Ouais, ouais. T'as regardé les infos sur la grosse radio Non, sur France 2. Ah, ouais, d'accord, ok. Et bah ouais, ça craint. Hein, bah ouais. Ah, bon, bah attends, on n'en est pas encore. C'est pas encore fait. Si, c'est acté, ça y est. Oui, c'est acté. Ah, non, merde. On a la merde. Enfin, là-haut. Ils y sont. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on leur souhaite plein de bon courage. Donc, disque à la demande aussi pour ton émission. Disque à la demande, et puis les petites annonces. Et puis de la musique, jusqu'à midi. Et voilà, jusqu'à midi, jusqu'à la gamelle. Exactement. Il vous emmène jusqu'à la gamelle, Jean-Pierre. Jusqu'au feu, au petit feu, voilà. Voilà, c'est ça. 8h54 minutes, et bien on se retrouve dans 5 minutes. Hein, bah avec plaisir. Ça marche. À tout de suite, JP. Vers matin, ça démarre dans quelques minutes, juste avant. Je sais pas quelle chemise vous avez mise ce matin. Moi, elle est verte. Et toi, elle est quelle couleur ta chemise? Elle est rouge. Bah, lui, elle est noire. Ah, mince. C'est la camisa negra. Allez, belle journée. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de... Bon bah si vous êtes plaquiste, ça recherche hein. Y a pas que plaquiste d'ailleurs, il y a d'autres jobs. Voilà. Ah, aide ménagère aussi, assistant de vie aux familles et auxiliaire de vie. Si le poste vous tente, eh bien appelez-nous 02 38 43 48 00. Vous appelez Jean-Pierre, on va vous filer les coordonnées. Voilà, aide ménagère, assistant de vie aux familles. Bande à la planète et je vous retrouve eh bien demain à partir de 7h jusqu'à 9h. Entreprise Olivade, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voire selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86.